vous écoutez CISM 89,3 FM. Bonsoir à tous, en ce vendredi 19 avril, bienvenue à l'émission Le Terminus. Jean-François Lusignan avec vous pour une heure de rock indépendant et de tout ce qui gravite autour. Je remercie au passage Fabien Guillot qui m'a remplacé la semaine dernière de très, très bonne façon. Merci Fabien. Et donc de retour ce soir avec, par exemple, on va avoir de la musique de Skating Pulley, Montréal Carnivore, nouvelle chanson qui vient de sortir, du Now Now Couples et également j'ai un invité ce soir, Harley Young, qui va être avec nous dans une dizaine, douzaine de minutes pour une entrevue, également prestation acoustique. On va commencer avec la musique de Bleached, c'est ça? C'est en fait un duo de deux sœurs, Jennifer et Jessica Clavin, et viennent de faire paraître leur premier album Ride Your Heart sur Dead Oceans. Ils seront justement le 24 avril, c'est ça, en spectacle au Il Motori avec Femme Accident. Et ensuite, on va entendre la musique de Bored Nothing et leur album Echo Room. La chanson Echo Room, l'album, lui, c'est Bored Nothing, le même nom que le groupe. Et donc, on commence avec Bleached, Dead in Your Heart sur les ondes de CISM. I never wanted I am wasting mine, but you're the goal to some divine. Reversing Falls, Shitty Birthday, tiré de leur tout nouvel album Reversing Falls qui sort mardi prochain. Le groupe de Montréal va d'ailleurs faire un lancement, enfin, il lance son premier album ce soir à la Casa del Popolo, si ça vous intéresse. Ça se passe donc sur le boulevard Saint-Laurent. Comme je vous le disais, Harley Young est maintenant arrivé en studio. On va, le temps qu'il s'installe pour, avec sa guitare, on va entendre une chanson qui est extraite de son premier EP, Suburb on Tape 1, la chanson Ghost Trap. Et ensuite, on va discuter ensemble. Donc, on se reparle dans quelques minutes. Yeah. Ghost Trap, Harley Young et Harley, comme je le disais. Maintenant en studio, bonjour Harley. Bonjour Jean-François. Comment ça va? Oui, ça va bien. Harley, tu es Australien hein, d'origine. Oui, oui. C'est ça? Et tu es installé à Québec depuis un an, tu me disais tout à l'heure. Oui, c'est ça. Et pourquoi tu es à Québec? C'est à cause du travail de ma blonde. OK. J'étais musicien en Australie, mais... ma blonde, elle a reçu du travail ici, comme elle fait son post-doctorat ici, et on a pensé, okay, pourquoi pas changer de vie, apprendre une nouvelle langue. Oui, oui, oui. Okay. Et donc, est-ce que tu avais des connaissances de français avant d'arriver ici? Pas vraiment. Non? Mais, okay. C'est... Oui. Ça va bien maintenant, donc... Ça va bien, mais personne ne me comprend à cause de mon gros accent. C'est... Oui, c'est... Mais c'est plus facile, j'imagine, à Québec... parce que les gens parlent moins anglais. Oui, c'est ça. Donc, parles... tout le monde parle avec moi en français. C'est ce que j'aime. De... Oui. Et donc, la ville de Québec, c'est pour les études de ta copine? C'est pour ça que tu as choisi Québec? Oui, c'est ça. OK. Oui. Et est-ce que tu avais déjà entendu, tu avais une connaissance du Québec avant de venir ici? Oui, j'ai connu le place Québec. Et je connais, okay, c'était... de Canada, France, mais c'était... OK. Oui, c'est ça. Et est-ce que c'est différent de ce que tu pensais? C'est plus belle que, okay, que je pensais, oui. C'est... OK, OK. Et tu, donc pendant ce temps-là, tu apprends le français, mais tu continues à travailler sur ta musique aussi? Oui, c'est ça, oui. Et la sortie de l'automne passé, Tape One, qui est ton premier EP? Oui, oui, c'est ça. Et là, est-ce que tu avais fait de la musique avant d'arriver au Québec? Tu savais déjà... Oui, oui, je jouais de musique en Australie, et, mais ici, j'ai plus de temps de... Composer? De m'occuper avec mon musique, de composer, oui, organiser plus, oui. OK, OK. Et Tape One, comment ça s'est fait? Avec qui tu as travaillé? C'était avec un musicien de Québec, un vraiment beau musicien de Québec qui s'appelle Simon Paradis. OK. Et il a fait l'enregistrement que... Oui, oui, j'étais vraiment content avec le premier. Mm-hmm. Et le deuxième, oui. Le deuxième qui s'en vient bientôt? C'est sorti maintenant. C'est sorti. Oui, demain soir, ça va être le lancement de Lesco Griff. À Montréal? Oui. Sur Saint-Denis, oui, c'est ça? Oui, c'est ça. Et pour le Tape One, tu avais fait une chanson, un clip pour une chanson? Oui, c'est ça. Pour Ghost Trap? Oui, c'est ça. J'ai fait un clip à Québec. J'ai mis un masque d'os et j'ai pris du vin et on a filmé cette... Oui, c'est ça. Donc, le vidéoclip, les gens peuvent aller le voir sur Internet. Oui, c'est ça. Tu peux aller chercher... c'est Harley Young Ghost Trap sur YouTube. Et c'était bien fun. Ouais, oui. C'est toi qui se promène pendant une journée avec une tête sur toi, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est toi qui fais le... Oui, c'est ça. C'est toi, OK. Et pour le Tape 2 qui sort aujourd'hui, est-ce que tu prévois faire un clip aussi? Oui, j'ai fait c'est comme un collage de... parce que quand j'ai créé les chansons, le single de Sticks and Bricks, okay, je pensais que c'était vraiment bon avec un collage. Okay. Donc j'ai fait un collage avec le gars qui a fait le premier clip. Et c'est tous mes home videos de 90 années. Oui, donc c'est tellement beau. Est-ce que tu fais du stop motion dans les vidéos? Du stop motion? Du animation? Ah non. Non, c'est collage, OK. Oui, okay, oui. Et entre tes... One et Tape 2, est-ce que tu travailles avec les mêmes personnes? Oui, oui, oui, je travaille avec les mêmes personnes. Avec qui? Simon Paradis. Son, oui, Paradis. Mais on entend des voix féminines sur le premier... Oui, ça c'était ma blonde. OK. Oui, elle était vraiment gênée de chanter, mais je lui ai dit, j'ai vraiment besoin de quelqu'un de chanter pour moi et avec un accent d'Australie. Donc... oui, elle était un peu sûre quand elle chante cette chanson. OK, bon, maintenant, est-ce qu'elle chante aussi sur le deuxième? Est-ce qu'elle chante sur le Tape 2 aussi? Ta blonde? Non, c'est fini. Oui, c'est fini. Sa carrière est terminée. OK. Oui. Et la scène musicale, le Québec, c'est assez ça, dynamique, hein? Oui, oui, ils sont vraiment gentils, la scène à Québec. Et c'est vraiment do it yourself. Oui. C'est petit en même temps, mais, oui, mais dynamique, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est oui. ça. Il y a plusieurs salles où on peut jouer? Oui, oui, il y a plusieurs salles, mais aussi il y a beaucoup de salles privées qui sont ouvertes au public et, oui, pour un spectacle. C'est vraiment bien, les choses de Grenier. C'est une bonne série de choses. Oui, on peut voir des vidéos hein, sur Internet. C'est filmé dans un grenier oui, d'une c'est maison. Ça. Oui, et oui. les gens peuvent aller dans le grenier? Oui, c'est ça. Pour te voir jouer ou d'autres artistes, c'est ça? Oui, oui, c'est okay. ça. C'est petit? Oui, c'est vraiment petit, mais c'est si beau, oui. Mm-hmm. oui. Est-ce qu'il y a aussi la gang de City by the River? Oui. Aussi, qui est un peu dans cette gang-là aussi? Oui, oui, c'est le même... Même monde? Le même monde, oui, okay. c'est ça. Puis eux, ils font surtout des vidéos, hein, je comprends bien. Ils filment des spectacles. Oui, oui, c'est ça. OK, oui. OK. Et là, tu es actuellement... donc, tu pars de Québec, tu commences une tournée, un oui, tour? Oui, ça va être le premier spectacle demain soir à Lesco Griff, rue Saint-Denis. Après ça, ça va être en Ottawa et Toronto et London. Et ah, je oui? reviendrai à Québec pour jouer un autre spectacle. OK. Est-ce que c'est toi avec un band ou formule comme non, ce soir? Non, c'est vraiment comme je vais jouer seulement. Oui, okay. C'est plus facile de trouver un groupe pour faire le non-registré, mais c'est plus difficile de trouver un groupe pour faire une tournée. Oui. Aussi, ouais, okay. oui. Ah, bon. Et est-ce que tu prévois aller ailleurs, aux États-Unis ou... Peut-être. Je pense que... maintenant, je vais organiser une tournée à Nouveau-Brunswick okay. pour juillet. Nouveau-Brunswick est peut-être à Halifax. Oui, oui, oui. OK, les Maritimes. Okay. Oui, c'est ça. OK, bon, c'est bien visité aussi en même temps. Oui, oui, tout le monde m'a dit que c'est tellement beau. Pour les vacances oui. aussi. OK. Et là, donc, ça fait un an que tu es ici, que tu es au Québec. Oui. Est-ce que tu restes combien de temps encore, est-ce que tu sais? Je pense que je vais rester ici pour un an plus, mais on verra, peut-être je vais rester ici pour longtemps, j'ai aucune idée. Ah, bon, ça serait bien. oui. Puis là, déjà, ton français est très, très bien, donc il va continuer des fois, c'est mauvais, des fois, c'est meilleur, oui. Okay. Ça dépend. Puis en Australie également aussi, la scène musicale, ça bouge beaucoup hein, actuellement. Il y a beaucoup, surtout dans le rock. Oui, oui, oui. Il y a de bons groupes dans toutes les villes. Les villes. Hein. Tout à l'heure, on a entendu en début d'émission Born Nothing qui viennent de Melbourne. Ah oui, c'est une belle scène à Melbourne. Je pense que c'est le meilleur. Okay. Oui. Toi, tu es de quelle ville en Australie? Je viens de Brisbane. Okay. Donc, c'est la même ville de Dizzy Death Rays. Et, les autres groupes comme ça. Okay. Et là, Harley, tu as emmené ta guitare? Oui, avec toi ce soir. Oui, oui. Et tu vas me donner un petit aperçu. Deux chansons qui sont sur le tape 2, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Que les gens peuvent acheter sur Internet? Oui. Maintenant, on doit acheter à le spectacle demain soir. Ah, okay. Mais je pense que je vais lancer sur l'Internet dimanche. Dimanche, oui. Bandcamp peut-être? Oui, sur Bandcamp. OK, oui, donc on va commencer par quelle chanson, Harley? Family Business. OK, donc on t'écoute. Harley Young sur les ondes de CISM à l'émission Le Terminus. Setting up tables on the lawn, ordering new stock for the day. Mama, she's an angel in an apron. Dad's a knight without a name. I'm working for the family business, sweating bullets for my pay. By night, sometimes I disappear. I don't show up at all for days. And they run, they're calling out my family name. My brother's straighter than a nail, my dad's manager to be. And when he buys a family business, he's gonna need someone like me. I got big hands for the repairs, a big voice to vent the wares. By then I'll be no more an absentee to my dad's manager to be. And they run, as they're calling out my family name. And I come, empty pockets and a handful of shame. Man, I may not be a winner, I may not be a saint, but don't you call me dishonest boy, I got a family name. Don't you call me a drunk, bite your tongue, I got things to do today. Don't you call me dishonest boy, I got a family name. I got a family name. I got a family name. Alors Harley, tu vas nous jouer une deuxième chanson? Oui, merci beaucoup. Ça s'appelle comment celle-là? Ça s'appelle Sticks and Bricks. D'accord. Ça va être le single. Toujours sur le tape 2. Oui, c'est ça. I remember that first walk into the vacant street. You were so sure of uncertain defeat. Caught in corners and breaks down hard to line. And I remember headstrong in the culture of class. Hands bound only by ties to the past. The silence in this house will never set things in. And sticks and bricks might break your bones. Names are gonna hurt you somehow. Names are gonna hurt you somehow. And I remember that drunk talk in the back of the cab. Things got pretty violent, got well out of hand. They called the cops on us, the neighbors all heard our blue. Sticks and bricks might break the order, but blood's always thicker than water. Blood's always thicker than water. Blood's always thicker than water. Blood's always thicker than water. C'était Sticks and Bricks, Harley Young. Merci beaucoup. Merci Harley. Harley, on rappelle que tu es en tournée. Ça commence demain, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Demain, Escogriffe. Oui, spectacle demain, Escogriffe, 10 heures, je crois. C'est ça. Après ça, les gens pourraient t'attraper aussi à Ottawa. Oui. Si jamais ils sont dans le coin. Comment? Si jamais ils sont dans le coin d'Ottawa, ils pourront aussi te voir en spectacle. C'est la semaine prochaine, les autres shows? Ah oui, ça va être mardi soir, Avant-Garde Bar and Gift Shop. OK. Oui, un mercredi soir, The Smiling Buddha à Toronto. OK, sinon tout le reste est sur ton site, Harley Young. Oui, oui, tout le reste est sur mon site, oui. Parfait, donc super. Merci Harley d'être passé à l'émission. Merci à toi. Merci pour m'inviter. Oui. C'est un plaisir, à bientôt. Oui, à bientôt, merci. On va continuer avec la musique de Montréal Carnivore, la chanson Annie, tout ça sur les ondes de CISM, l'émission Le Terminus. Bonne écoute. Je suis une erreur, ou plutôt je suis erreur avec Phobie. C'est une chanson extraite de leur démo de 11 chansons qui vient de paraître sur Bandcamp, pour lequel ils demandent une contribution de 5$. Donc c'est pas super fréquent maintenant de demander une contribution pour un démo. Enfin, allez voir ça, je suis erreur.bandcamp.ca. C'est quand même assez intéressant. Juste avant, c'était Skating Polly avec All Stuck You Are. C'est Skating Polly, c'est un duo de Oklahoma City qui est formé de deux belles-sœurs. Donc voilà, c'est les informations qu'on a à leur sujet, deux belles-sœurs d'Oklahoma City. Et leur premier album est sorti il y a tout juste 2 semaines, un album qui s'appelle également Skating Polly. On va maintenant retourner en musique avec Now Now, un groupe que j'ai vu lundi dernier lorsque j'étais à Chicago cette semaine. Lincoln Hall, une salle assez récente qui est ouverte en 2009. Une salle un peu, on pourrait dire, idéale, parce que une salle de 500 places qui était vraiment été construite en pensant justement à l'acoustique et toutes les meilleures conditions possibles pour les artistes. Et il semblerait que tous les artistes qui passent par cette salle-là sont assez impressionnés justement par la qualité des équipements sur place. Sauf que ça fait en sorte que, bon, une salle assez récente et ça fait en sorte qu'il n'y a pas vraiment d'âme pour l'instant dans la salle. Et la faune était essentiellement composée là, d'étudiants de l'Université de DePaul, qui est pas mal. La salle est en fait sur le campus de l'Université de DePaul dans le quartier Lincoln Park. Donc, une faune également assez tranquille, assez attentive. Donc, pas tellement propice à un show qui voulait peut-être décoller, mais qui a finalement pas vraiment décollé. Donc, on va entendre Now Now, leur chanson Thread, qui est pas mal leur grosse chanson. Et en première partie de Now Now, il y avait Lonely Forest, je crois qu'il était à Montréal dans les dernières semaines. Et je n'ai pas vraiment embarqué. C'était en fait une espèce de groupe dans la même veine que Dead Cab for Cutie, Ben Gibbard et compagnie, donc qui n'est pas vraiment ma tasse de thé. Donc c'était vraiment Now Now qui était l'attrait principal du spectacle. Donc, on écoute ça tout de suite. Now Now, Thread, à l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM. ponctuation. Je ne lis pas de leur album 27 Club qui a tourné beaucoup à CISM dans les dernières semaines. Juste avant, c'était Brother Gang avec la chanson Glove. Ils sont une formation, Brother Gang, formation féminine, complètement féminine de Norvège, signée sur le super label justement norvégien Gravy Records. Juste avant, encore, on avait Couples. Ils sont de Montréal, il me semble. Un gros coup de cœur là, pour Couples. Allez voir ça, couples.bandcamp.com. La chanson Ben of the Debt. Et c'était l'album ou EP, je ne suis plus trop sûr, In the Grass, qui vient de sortir. Et voilà, donc on va se quitter avec la musique de La Question, qui vient de faire paraître un premier extrait qui s'appelle Et maintenant. Je crois qu'ils ont un nouvel album qui s'en vient prochainement. Reste à l'écoute dans quelques instants, c'est Zika Mendes qui s'en vient avec l'émission La MyFi. Également, pour consulter la liste des chansons qui auront joué pendant l'heure, c'est sur le cism893.ca. Également, archive de l'émission sur leterminus.ca. Vous allez également pouvoir y retrouver l'entrevue et prestations que Harley Young nous a donné tout à l'heure. Donc, ce sera disponible dans quelques minutes sur le site de CISM. Et sinon, ben, il ne me reste plus qu'à vous dire de passer une bonne fin de soirée. Je m'appelle Jean-François Lusignan. On se reparle la semaine prochaine, 21h, pour l'émission Le Terminus. À bientôt. Ciao. Ce samedi, venez célébrer la journée des disquaires indépendants à la boutique au 33 Tours. Dès 9h, venez découvrir des centaines de disques vinyles exclusifs disponibles en quantité limitée. La journée des disquaires indépendants au 33 Tours, c'est aussi 7 prestations gratuites en magasin de 19h à 22h, incluant André Papanicolaou, Michel Rivard, Chantal Archambault, Tire le Coyote, Alex Nevsky, Groenland et Solid. Ce samedi, le 20 avril au 33 Tours, 1373 Mont-Royal. Info disponible sur au33tours.com et sur Facebook. Tes week-ends sont plutôt secs? Écoute les préliminettes. Le samedi, de 23h à minuit. Les merveilles du monde vous invite à fêter 7 merveilleuses années chaudes et piquantes. Le jeudi 25 avril, c'est le Magnificent 7, le 7e anniversaire du Tabasco Bar. Animé par DJ Matt et avec Frank Agostino au platine, ainsi qu'une performance explosive de drum mashup par Hector D. Le Tabasco Bar en profite pour remercier famille, amis et clients pour leur fidélité et loyauté depuis les 7 dernières années. C'est donc un rendez-vous le 25 avril pour un spectacle nocturne rempli de magie, suspense et de piquant. TabascoBar.com. Au Ciné-Campus de l'Université de Montréal, venez découvrir le meilleur du cinéma d'ici et d'ailleurs. À l'affiche bientôt au Ciné-Campus. Dans le cadre de la Franco-Fête, le documentaire « Rapailler l'homme » et le drame sénégalais « La pirogue ». Le magasin des suicides, un film d'animation de Patrice Lecomte. Amour, gagnant de l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Et l'incontournable Django déchaîné, un western de Quentin Tarantino. Le Ciné-Campus est présenté tous les mardis et mercredis au centre d'essai du pavillon J.A. de Sèvres à l'Université de Montréal. Pour plus d'informations, visitez le sac.umontréal.ca. Bonjour chers vampires, ici Nani Nounavet Confi. Vous écoutez Nani Nou, c'est ISM. Denis a tout vu par la fenêtre qui donne sur la rue. La neige qui fond le soleil sur l'asphalte. Dans ses oreilles le bourdonnement. Bonjour, ici Philippe B. Vous écoutez CISM. Oui, oui, CISM. Je n'irai pas. Tous les jeudis dès 19h, c'est la session live en direct des studios de CISM. Chaque semaine, un artiste invité prend possession de nos ondes pour une heure de prestations, d'entrevues et de découvertes musicales. Le jeudi 25 avril, la session live reçoit Hugo Boursier. Je t'ai prêté le meilleur album de Joy Division et tu m'as dit que tu m'aimerais peut-être. Soyez au rendez-vous dès 19h sur les ondes du 89,3 FM, la marge. La session live à CISM, une présentation de Solotech.